Instruction pour la méditation Vipassana par le Vénérable Sayadaw Unanujota, juillet 2019. Sayadaw est très heureux de vous voir rassemblés ici ce soir, vous qui êtes intéressés par la méditation. Comme vous êtes déjà des méditants expérimentés, en tout cas la plupart d'entre vous, ces instructions ne devront pas être très longues. Les instructions ne sont pas très compliquées, le Bouddha n'a jamais enseigné des choses difficiles à comprendre. Les instructions vont essentiellement porter sur l'observation de la respiration. Vous respirez tous les jours, c'est une fonction très naturelle, et donc vous allez essayer d'observer attentivement la respiration. Lorsque vous inspirez, l'abdomen va se gonfler, et c'est ce mouvement de gonflement de l'abdomen que vous devez essayer d'observer dans son entièreté. Essayez d'attraper ce mouvement dès son point de départ et maintenez votre attention jusqu'à ce qu'il se termine. Lorsque vous expirerez, l'abdomen va s'abaisser, il va se relaxer, se ramollir, descendre, et de nouveau c'est ce mouvement vers le bas que vous devez essayer de percevoir et d'observer attentivement en maintenant votre attention du début à la fin du processus. Tant que vous maintiendrez votre attention focalisée sur ce double processus, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, il est impossible que les kilesas, les pollutions mentales, pénètrent en vous. Les impuretés mentales, en pali les kilesas, c'est essentiellement le désir, l'aversion et l'ignorance. Vous êtes donc occupé à observer les mouvements de l'abdomen, et après un certain temps, il est possible que votre esprit se soit échappé. Vous devez alors simplement prendre conscience que votre esprit n'est plus sur l'abdomen, mais qu'il s'est mis à penser. Vous devez simplement prendre conscience que vous êtes occupé à penser. Vous étiquetez mentalement le phénomène en répétant doucement « penser, penser, penser ». Il est possible qu'à un moment, vous vous mettiez à parler avec quelqu'un en imagination. Vous devez alors noter parler, parler, parler. Ou bien, si vous rencontrez quelqu'un, tout simplement, vous devez noter rencontrer, rencontrer, rencontrer. Vous notez deux ou trois fois, et ensuite vous revenez au mouvement de l'abdomen. Il est possible également que des émotions, des états d'esprit apparaissent en vous, comme de la colère, de la tristesse, de la joie. Si c'est le cas, vous devez simplement noter cet état d'esprit, en prendre conscience de façon objective et répéter mentalement « joie, joie » ou bien « colère, colère ». Si vous avez beaucoup de pensées, vous devez savoir que si vous réussissez à les noter de façon détachée, en répétant mentalement « penser, penser, penser » et que chaque fois vous revenez à l'abdomen, votre concentration va se développer. Après un certain temps, il est possible que vous ressentiez des sensations désagréables quelque part dans le corps. Si c'est le cas, vous devez simplement noter et répéter mentalement « douleur, douleur, douleur », quel que soit l'endroit où ces douleurs se manifestent. Si elle ne disparaît pas, vous continuez à la noter ainsi, en chaque fois répétant mentalement « douleur, douleur, désagréable, désagréable » jusqu'au moment où elle aura disparu. À ce moment-là, vous revenez à l'abdomen. Vous devez essayer de développer la patience par rapport à la sensation douloureuse. Ne changez pas trop vite de posture. Essayez de vous montrer patient et de noter cette sensation désagréable le plus longtemps possible. Lorsque la sensation désagréable devient insupportable, très intense, vous êtes autorisé à changer de posture, mais vous devez le faire très lentement en notant d'abord l'intention de changer. Ensuite, vous observez attentivement tous les mouvements du corps. Il est tout à fait normal que les méditants expérimentent des sensations désagréables au début de la pratique. Essayez d'être patient, de les observer le plus longtemps possible. Si vous changez trop souvent de posture, la concentration ne va pas bien se développer. Essayez donc d'observer les sensations désagréables le plus longtemps possible avec patience. Il est possible également que pendant la méditation, vous ayez des visions. Si c'est le cas, vous devez simplement noter, voir, voir, et vous revenez à l'abdomen. Vous notez de façon objective le processus même de la vision sans entrer dans les détails de cette vision. Si vous entendez des sons, vous procédez de la même façon. Vous prenez conscience que vous êtes en train d'entendre. Vous répétez mentalement « entendre, entendre », mais vous n'entrez pas dans les détails de ces sons. Si vous sentez une odeur, vous procédez de la même façon. Sentir, sentir, sans vous investir. Si vous avez une saveur dans la bouche, vous notez « goûter, goûter » de façon objective, sans vous investir. Tous les contacts sensoriels devront être observés et gérés de cette façon. On en prend conscience de façon détachée, objective, on les étiquette mentalement et on revient à l'abdomen. Vous devez donc noter tous les contacts qui s'établissent par les six sens, par l'œil, par l'oreille, par le nez, par la langue, par le corps et par l'esprit. Pour ce qui est des sons, ne vous occupez pas des sons qui sont constants, qui constituent une espèce de bruit de fond. Ne notez que les sons qui sont soudains et abrupts. Ce sont donc les instructions pour la méditation en posture assise. Sayadaw va résumer maintenant les quatre satipatthana, les quatre bases de l'attention. Notez le corps physique. C'est Kayan Upasana, la contemplation du corps. Notez les ressentis, comme les sensations désagréables ou encore les sensations agréables. C'est Vedana Upasana, la contemplation des ressentis. Notez les pensées, les états d'esprit. C'est Chittan Upasana, la contemplation de l'esprit. Et notez les contacts sensoriels, comme voir, entendre, sentir. C'est Dhammanupassana, la contemplation des objets mentaux. Ten minutes? 20 minutes? Half an hour? Une demi-heure? Ok, 10 minutes.